corps, ton cœur en fleurs, non, c'est le compteur des grands efforts contre ton corps, des faux défauts en frôlé. Ta peau a connu le ciel et la terre, des dieux, des cons et ton beau militaire, tes corps à corps sans aucun remords, goûte aux exquises délices. Et moi, je ne pense qu'à ça. Et moi, allez. Comme 15 mois foncés. Changeons l'air en or, faisant l'amour de l'opaloro, 100 fois, 1000 fois ou 100 000 fois, autant d'horreur pour mon pauvre cœur allié et corps épris. Tes souvenirs mêlent dégoût et mépris. Une fois encore, jette-moi tes sorts. Comme 15 mois font 16. Comme 15 émois foncés.